Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, 6 juin 1944, quand De Gaulle a dit non aux Alliés. La bataille de France est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. C'est par ces mots solennels et chargés d'émotion que le général de Gaulle, le 6 juin 1944, après 4 ans d'occupation nazie, annonce aux Français par la BBC que le débarquement allié vient de commencer. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France, ajoute-t-il. De la France, il faut le dire vite. Dans la plus grande armée du monde qui ce matin-là a débarqué sur les plages normandes, 5000 navires, 156 000 hommes, il n'y a en effet que 177 malheureux Français. Peu importe, le message de De Gaulle est avant tout politique. Il est urgent, vital, que la France se hisse dans le camp des vainqueurs et que lui-même, De Gaulle, en soit reconnu enfin comme le chef légitime. Jusqu'à la dernière minute avant le débarquement, De Gaulle a été tenu à l'écart des décisions par Roosevelt et Churchill. Engueulades, coups de théâtre, c'est de ces 4 jours qui ont précédé le débarquement, si décisifs pour le destin de la France, que nous allons parler ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. François Kersedy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, le spécialiste en France de Winston Churchill, un personnage que vous aimez beaucoup, je suppose. Vous lui avez consacré de nombreux livres. Alors, quand on pense 6 juin 1944, débarquement en Normandie, on pourrait n'y voir qu'un grand dénouement final, l'histoire qui a été dure, qui se termine bien, mais on va le voir, il s'en est fallu de peu que l'histoire tourne autrement, notamment pour la France. François Kersedy, elle aurait pu devenir un pays administré par les États-Unis à ce moment-là. Oui, c'est une façon de présenter les choses, qu'a présenté d'ailleurs De Gaulle. Ça aurait pu tourner autrement, sauf que il faut bien voir que ceux qui sont en charge du débarquement, ce sont les gens du chef, du commandement suprême des forces alliées, et donc tout ça est entre les mains d'un commandant suprême qui, lui, est aux ordres de 6 chefs d'état-major britanniques et américains. Donc ce ne sont pas les Américains qui débarquent en France, hein, c'est une coalition qui débarque en France. Les ordres que reçoit Eisenhower, c'est simplement d'aller vite à Berlin. Et Eisenhower, lui, s'est entendu avec De Gaulle pour que De Gaulle puisse prendre les choses en main et lui assurer l'ordre sur ses arrières. Il ne fallait pas qu'il y ait la guerre civile, parce qu'il y a là-dedans une inconnue, parce qu'on pense à l'exemple de la Grèce et de la Yougoslavie, où les communistes sont prépondérants et font beaucoup de problèmes. Et donc, on craint, et on a de bonnes raisons de craindre d'ailleurs, que la chose se passe de la même façon en France. Et donc, les personnes qui sont tout le temps là, et dont on ne parle jamais, mais qui sont là en puissance, ce sont les communistes. C'est ça la préoccupation essentielle de De Gaulle. Et De Gaulle, début juin 1944, où en est-il justement? Il est le chef, malgré tout, de la résistance. Il a réussi à unifier la résistance française, même communiste, sous son autorité. Alors, en principe, oui, puisqu'il a même des ministres communistes dans son gouvernement. Gouvernement à Alger, provisoire de la République française. Voilà, et donc dans le gouvernement provisoire, mais il ne sait pas, il ne peut pas savoir comment sera accueilli le gouvernement provisoire quand il rentrera en France. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a l'incertitude de comment va se passer la libération. Est-ce que les Allemands vont accepter de sortir? Combien ça fera de dégâts? Et puis ensuite, que vont faire les Français? Alors, est-ce que l'administration de Vichy va se dissoudre d'un seul coup? Est-ce que les communistes vont accepter les choses? Est-ce que si les Américains se montrent trop envahissants, est-ce que ça ne va pas provoquer des réactions de la part de la population et surtout des communistes qui en tireraient profit? Quels sont les ordres qu'ont reçus les communistes de Moscou? Tout ça, De Gaulle ne le sait pas. Donc, vous voyez, il y a énormément d'inconnus dans cette affaire. Et Churchill, le Premier ministre britannique connaît bien De Gaulle, il le connaît depuis mai 1940. Hein. Mais au fil des années, donc, leurs relations se sont détériorées. Comment ça se fait? Est-ce que c'est à cause de l'entrée des États-Unis dans le conflit? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est le caractère des deux hommes. Hein. Au départ, ils avaient besoin l'un de l'autre, évidemment. Mais oui, c'est Churchill qui a accueilli De Gaulle à Londres. Voilà, et qui lui a donné les moyens de s'implanter. Mais par la suite, il s'est aperçu que De Gaulle n'était pas sa créature. Alors, Churchill est un homme extrêmement autoritaire. On peut résumer pratiquement sa devise. Je lui ai donné la parole, d'ailleurs. « All I ask for is compliance with my wishes after reasonable discussion. Oh, » on a besoin d'une traduction, Monsieur Cassoudi. Tout ce que je demande, c'est qu'on se plie à ma volonté après un temps de discussion raisonnable. Vous voyez, il ne demande pas beaucoup, il ne demande que ça. Ah, on sent que vous l'aimez, hein, Churchill. Oui, mais en face de lui, il a un homme qui, lui, a pour devise « Nous sommes trop faibles pour faire des concessions ». Mais oui, mais alors, vous voyez, normalement... Vous ne voulez pas venir jouer dans Autant n'importe l'histoire de temps en temps ? Quand on est faible, normalement, on s'attend à ce qu'on fasse des concessions. Pour De Gaulle, c'est le contraire. Oui. Il faut se montrer absolument impitoyable. Là-dessus arrivent les soupçons de De Gaulle à l'égard de la perfide Albion. Ça, c'est pratiquement congénital, puisque son père se méfiait énormément de l'Angleterre. Et en plus de tout ça, arrive Roosevelt, qui, lui, était atteint d'une maladie très grave. C'était une gaullophobie aiguë. Pour lui, De Gaulle était un apprenti dictateur et donc il fallait s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Et il a essayé d'ailleurs de persuader Churchill de s'en débarrasser. Sauf que c'était trop tard. En 1943, ce n'était plus possible. Le gouvernement britannique était devenu gaulliste. L'opinion publique était devenue gaulliste. Les travaillistes, le Parlement, le roi même était gaulliste. Et donc, quand Churchill a dit à ses ministres « Mais enfin, c'est moi qui ai fait De Gaulle, je dois pouvoir m'en débarrasser. » Anthony Eden, son ministre des Affaires étrangères, a répondu « Non, monsieur le Premier ministre, c'est vrai, vous avez fait De Gaulle, mais vous ne pouvez plus vous en débarrasser, c'est trop tard. » Je rappelle les personnages qui vont entrer dans cette histoire. De Gaulle, bien sûr, Churchill, Eisenhower, Anthony Eden, vous l'avez évoqué, le ministre britannique des Affaires étrangères, et Pierre Viennot, un ancien député socialiste, résistant de la première heure et ambassadeur de la France libre auprès des autorités britanniques. Tout de suite, 6 juin 1944, quand De Gaulle a dit non aux alliés, un texte de Jean-Yves Le Naour, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Cédric Ossir. Nous voici donc au sommet des Champs-Élysées, l'avenue triomphale, en compagnie du maréchal Pétain. Moi, sur un cheval noir, et lui, sur un cheval blanc. Et la foule. Vive De Gaulle ! Quelle foule ! Vive Pétain ! Comme une mer immense qui nous acclame. Vive le maréchal ! Les larmes aux yeux. Vive la France ! Et voilà que Pétain, au beau milieu de l'avenue, se tourne vers moi, me tend une épée et me dit, d'un ton solennel, « Général, je vous remets symboliquement le pouvoir et les destinées de la France. Pendant 4 ans, vous en avez tenu le glaive et moi le bouclier. Vous combattiez tandis que je protégeais. C'est une proposition du maréchal Pétain qui m'a été faite par un de ses agents. Vous imaginez ? Une sorte de passation de pouvoir entre ceux qui ont déshonoré la France et ceux qui se sont battus pour préserver sa place parmi les nations. Quel imbécile, ce Pétain ! Comment a-t-il pu penser que j'allais accepter ? Comment a-t-il pu croire que l'on peut réconcilier la France de la collaboration et la France de la résistance ? La honte et l'honneur, il n'a rien compris. Le débarquement va avoir lieu. Vous croyez que mon heure va sonner? Que le plus dur a été fait? Vous croyez que le plus dur, c'était le 18 juin? D'être seul à incarner la France quand tous ou presque soutenaient Pétain? Vous croyez que le plus difficile, c'était d'unir derrière moi les mouvements de résistance? Eh bien, vous vous trompez. Ma mission, ma seule mission, a toujours été la même. Placer la France dans le camp des vainqueurs. Proclamer qu'elle n'a pas été vaincue et qu'elle continue à se battre. Pendant 4 ans, j'ai tenu le cadavre de la France à bout de bras pour faire croire qu'elle était toujours vivante. Et aujourd'hui, j'ai bien peur que tout cela n'ait servi à rien. Ils veulent nous voler notre victoire. Nos alliés. Les Américains. Depuis 1940, en effet, les relations entre De Gaulle et Roosevelt sont tendues. Le président américain perçoit le général comme un dirigeant autoproclamé, un chef illégitime, un apprenti dictateur pas commode et d'une prétention inouïe avec ça. C'est peu dire que De Gaulle insupporte Roosevelt. Il a d'ailleurs tenté de s'en débarrasser en imposant le général Giraud à la tête de l'Afrique du Nord libérée. Mais Giraud n'a pas fait le poids et en quelques mois, De Gaulle a restauré son autorité. S'il faut bien compter avec lui, il n'est pas question pour Washington de le reconnaître comme la voix officielle de la France. La position de Roosevelt est claire. La France libérée sera administrée par les Alliés comme un pays vaincu en attendant des élections qui décideront de son sort. Mais pour De Gaulle, il n'en est pas question. À Londres, ce 1er juin 1944, Anthony Eden, le ministre britannique des Affaires étrangères, arrive au cabinet de Winston Churchill, au fameux 10 Downing Street. Monsieur le Premier ministre, l'ambassadeur français est dans la salle d'attente. Il vous réclame. Ah, mais il est à peine 8 heures du matin. Les Français ne savent décidément pas vivre. Je n'ai même pas fini mon petit déjeuner. Mon bacon va refroidir. Enfin, faites entrer ce monsieur Viennot. Ah, Eden, au passage, passez-moi la bouteille de whisky. À 8 heures du matin ? Tu sais, il est bien tard. Allez, passez-moi cette bouteille. Mes hommages, monsieur le Premier ministre. Alors, qu'est-ce que votre De Gaulle me rapproche aujourd'hui ? Le général ne vous reproche rien, je vous assure. Il s'inquiète juste du projet d'administration interalliée que les Américains envisagent d'appliquer en France. Voulez-vous un verre, monsieur l'ambassadeur ? Non, merci, non. Je préfère garder les idées claires. Moi aussi. Bon, que voulez-vous que j'y fasse ? La bataille de France durera de longs mois. Il est logique que l'administration française soit supervisée par le commandement allié pendant ce temps. Est-il vraiment logique de former des préfets dans les universités de Virginie ? Est-il logique d'imprimer sur les presses américaines des billets libellés en francs ? Posez donc la question à Roosevelt. Justement, voici la directive secrète qu'il a communiquée au général Eisenhower. Il y est écrit que Eisenhower s'entendra avec les autorités de Vichy et pourra consulter le comité français de libération nationale du général de Gaulle. C'est pour nous tout à fait inacceptable. Rassurez-vous, monsieur Viennot. Le Foreign Office que je représente sait que l'opinion française soutient massivement la résistance et le général de Gaulle. Et c'est pourquoi je propose que nous écrivions au président Roosevelt pour qu'il amende sa directive. Au lieu de « le commandant en chef pourra consulter le comité français de libération nationale », il faudra simplement écrire « le commandant en chef consultera le comité ». Cela vous conviendrait-il ? Pleinement, monsieur Eden. Puisque vous y tenez. Je vais donc écrire dans ce sens au président. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Je ne vais pas me quereller avec la Maison-Blanche sur ce point de détail. Et puis, après tout, c'est la faute de De Gaulle si Roosevelt se méfie de lui. Moi, j'ai plaidé sa cause. Mais la brusquerie de votre général a toujours ruiné mes efforts. Enfin, nous avons l'occasion de dissiper les malentendus. Tenez, faites parvenir cette lettre à De Gaulle. Je l'invite à Londres. Je lui envoie mon avion personnel. Dites-lui bien que nous comptons sur lui. C'est très important. Comprenez ? Le débarquement ? Oui, le D-Day. C'est pour bientôt. Allez, trinquez avec moi. Le message adressé au général est rédigé ainsi. Venez maintenant, je vous prie, et dans le plus grand secret. Je vous donne personnellement l'assurance que c'est dans l'intérêt de la France. Comme les Américains ne souhaitent même pas tenir De Gaulle au courant du débarquement, le cabinet britannique est divisé sur cette invitation. C'est Anthony Eden qui fait pencher la balance. Pour lui, il n'est pas dans l'intérêt de la Grande-Bretagne de se fâcher avec de Gaulle au moment où il va probablement devenir le chef des Français. Le ministre des Affaires étrangères ajoute enfin que si de Gaulle n'est pas invité, alors il fera une déclaration à Alger, une déclaration rageuse et hors de contrôle. Au nom des bonnes relations futures de Londres et de Paris, mieux vaut donc prier de Gaulle de venir en Angleterre. Et tant pis pour les Américains. Le 2 juin au matin, à Alger, de Gaulle reçoit le message de Churchill le pressant de le rejoindre. « Je ne vais pas me précipiter. Je vois très bien le genre d'entourloupe qui m'attend là-bas. On veut m'obliger à avaler la petite soupe que les Anglo-Saxons préparent pour la France. Alors je vais y aller, mais prêt à me battre. Voici venue l'heure de la bataille décisive, au nom de l'indépendance de la France. Et cette bataille politique est à mes yeux aussi importante que la bataille militaire sur les plages de Normandie. 4 juin 1944. Je survole à nouveau la capitale du monde libre. Voilà le Parlement où la démocratie a tenu bon. Et ce vieux Big Ben, figure familière et imperturbable. Son horloge n'égrène plus les heures sombres, mais le compte à rebours de la libération de l'Europe. Du ciel de Londres, je surplombe ce grand peuple dans sa petite île. Mon général, je suis très heureux de vous revoir. Voyez, Churchill a pensé à tout. Même à l'hymne national pour vous accueillir. Oui, mais lui, où est-il ? Il n'a pas pu venir, mais il m'a confié cette lettre à votre intention. Mon cher général de Gaulle, bienvenue sur ces rivages. De très grands événements militaires vont avoir lieu. Je serai très heureux que vous puissiez me rejoindre dans mon train, qui est près du quartier général d'Eisenhower à Portsmouth. Retrouvons-nous pour déjeuner, puis nous irons tous deux rendre visite au général Eisenhower. Eh bien, Fénot, en voiture, direction Portsmouth. Si vous voulez mon avis, il va falloir jouer finement. Pour résumer, Churchill ne nous est pas forcément hostile, mais il ne veut pas se désolidariser des États-Unis. Quelle position allez-vous adopter, mon général ? C'est bien simple. Je ne laisserai pas nos alliés s'occuper des affaires politiques de la France. Voilà tout. Je crains fort que Roosevelt ne vous écoute pas et qu'il impose de force son administration interalliée. Nous allons prendre les Américains de vitesse. Nous ne les laisserons pas nous considérer comme un pays vaincu. Symboliquement, le Comité français de libération nationale a pris hier le nom de gouvernement provisoire de la République française. À Washington comme à Londres, il faut qu'on sache que la France a déjà un gouvernement et que nos alliés ne peuvent agir chez nous comme bon leur semble. Discuter avec n'importe qui et y faire n'importe quoi. En attendant, voilà ce qu'ils distribuent à leurs soldats. Regardez. Des billets de banque ? Écrits en français ? Mais c'est de la fausse monnaie ? Ils n'ont pas le droit ? Bon sang ! S'ils croient pouvoir nous placer devant le fait accompli, ils se trompent lourdement. Désireux de se rapprocher du quartier général d'Eisenhower, Winston Churchill s'est installé dans un train à côté de la gare de Portsmouth, un port du sud de l'Angleterre. L'idée est excellente, sans doute, mais peu pratique. Anthony Eden étouffe dans ce wagon où il n'y a qu'un seul téléphone et qu'une baignoire. Comme le général Ismay, qui fait le lien entre le commandement et le premier ministre, est toujours pendu au téléphone et que Churchill est toujours fourré dans la baignoire, il est pratiquement impossible de faire quoi que ce soit. Il est 11h ce 4 juin 1944 quand De Gaulle et Viennot arrivent à Portsmouth. Monsieur le Premier ministre, ils sont arrivés. Bloody hell. C'est toujours quand on est dans son pain qu'on est dérangé. Déjà en 1915, dans les tranchées, les Allemands attaquaient dès que j'avais mis le pied dans le baignoire que j'avais apporté. Ah, il n'y a donc personne qui ne sache vivre sur cette terre, à part nous autres, Anglais. Enfin. Pour accueillir Charles de Gaulle, Churchill a revêtu la tenue bleue de général de la Royal Air Force. Pourquoi faut-il qu'un homme de cette trempe éprouve le besoin de se déguiser ainsi ? Quelle puérilité ! Churchill est affable. Il descend du wagon les bras ouverts. Mais de Gaulle est froid, raide, repousse les effusions. C'est pour demain, 5 juin. Les bateaux prendront la mer en soirée pour le plus grand débarquement de l'histoire. Je suis ravi de l'apprendre la veille de l'opération. Foutu français, jamais content. Il s'installe autour d'une grande table à tapis vert. Churchill est ému, ses mains tremblent légèrement. Si j'ai exprimé le désir de vous voir, c'est pour vous mettre au courant de l'opération qui va se déclencher. 150 000 hommes, plus de 10 000 avions, près de 7 000 bateaux de toute taille, même des navires marchands mobilisés. La plus grande flotte jamais rassemblée. Vous vous rendez compte ? La rencontre entre les deux hommes se passe le mieux du monde. Le déjeuner est enjoué. Chacun fait un saut de politesse. De Gaulle se fend même d'un compliment appuyé à Churchill et à son pays. Que la Grande-Bretagne, après tant d'épreuves vaillamment supportées et grâce auxquelles elle a sauvé l'Europe, soit aujourd'hui la base d'attaque du continent et y engage de telles forces, c'est la justification éclatante de la politique de courage que Churchill a personnifiée depuis les sombres jours. Quoique les événements prochains doivent coûter à la France, elle est fière d'être en ligne, malgré tout, aux côtés des alliés pour la libération de l'Europe. C'était trop beau. Au moment du dessert, tout dérape. Et ce n'est pas la faute du pauvre plum pudding que l'on vient de servir. Les sourcils se froncent quand Churchill a le malheur de dire « Et si nous parlions politique ?»« Quoi politique ? Comment ça politique ?»« Écoutez, je défends la France de mieux que je peux, mais rien ne sera possible sans le président Roosevelt. Aussi, vous auriez tout intérêt à vous rendre à la Maison-Blanche pour vous expliquer et le convaincre. Pourquoi semblez-vous croire que j'ai apposé devant Roosevelt ma candidature au pouvoir en France ? Le gouvernement français existe. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est votre affaire. Je n'ai rien à vous demander, rien à solliciter, ni à vous, ni à Roosevelt. Comment osez-vous, ingrat ? Qui vous finance ? Qui vous arme ? Qui va libérer la France et restaurer votre souveraineté ? Souveraineté ? Parlons-en. Les soldats qui s'apprêtent à débarquer sont munis d'une monnaie soi-disant française, fabriquée par l'étranger, que le gouvernement de la République ne reconnaît absolument pas, et qui, par ordre du commandement interallié, aura cours forcé en territoire français. Et vous osez me parler de souveraineté ? Oui ! Les troupes auront besoin d'argent en France. Pouvez-vous leur en fournir ? Non. Alors ne critiquez pas les États-Unis. Ils sauveront la France sans vous et même malgré vous. Je m'attends à ce que demain, le général Eisenhower, sur instruction du président des États-Unis et d'accord avec vous-même, proclame qu'il prend la France sous son autorité. Comment voulez-vous que nous traitions sur ces bases ? Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie. Nous allons libérer l'Europe, mais c'est parce que les Américains sont avec nous. Sachez-le. Chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. Chaque fois qu'il me faudra choisir entre vous et Roosevelt, je choisirai toujours Roosevelt. Je propose qu'en ce jour historique, nous portions un toast à la victoire. Le Premier ministre vient d'exprimer une opinion, disons, personnelle. Ce n'est pas la position du cabinet. Je lève mon verre à De Gaulle qui n'a jamais accepté la défaite. À l'Angleterre, à la victoire, à l'Europe. Il est 14h30 quand le repas prend fin, mais De Gaulle et Churchill ne se quittent pas. Comme prévu, ils se rendent tous deux au QG d'Eisenhower, une baraque au fond d'un bois, une sorte de fourmilière agitée aux parois tapissées de cartes de France. De Gaulle y est reçu avec courtoisie et Eisenhower prend même le temps de lui exposer à grands traits son plan de débarquement. Mais l'Américain est tendu, tracassé, car la météo n'est pas bonne. Les hommes devaient partir ce 4 juin au soir et débarquer demain matin en Normandie. Mais je dois annuler l'ordre. Le temps est mauvais, trop de vent, trop de vagues, les barges qui seront mises à la mer risquent de couler et le débarquement d'être un fiasco. Je suis préoccupé car toute l'opération a été calculée pour une journée de grande marée. Et passé le 7 juin, il nous faudra attendre la prochaine pleine lune, c'est-à-dire près d'un mois. Un mois ? Oh my God ! Vite ! Un whisky pour encaisser cette mauvaise nouvelle. Et voici qu'à la surprise générale, le commandant en chef se tourne vers De Gaulle. Qu'en pensez-vous, général? Il s'agit d'une décision qui relève exclusivement de votre responsabilité. Mon avis ne vous engage à rien, et j'approuve par avance et sans réserve le parti que vous prendrez. Mais à votre place, je ne différerai pas. Les risques de l'atmosphère me semblent moindres que les inconvénients d'un délai de plusieurs semaines qui prolongerait la tension morale des exécutants et en compromettrait le secret. L'incertitude du commandant en chef est vite levée. Donnez-moi ça. Le dernier bulletin météo qu'on lui apporte indique une amélioration dans l'après-midi du 5 juin et l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour les jours suivants. Eisenhower prend alors sa décision. L'embarquement des hommes aura lieu le 5 au soir et le débarquement le 6 à l'aube. Tout est donc réglé. Enfin, pas tout à fait. Comme de Gaulle s'apprête à se retirer, Eisenhower lui tend, avec une gêne manifeste, un document dactylographié. Voici la proclamation que je me dispose à faire à l'intention des peuples de l'Europe occidentale, notamment de peuples français. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi franchement votre avis. Une proclamation en français? Pourquoi donc? Et de quel droit? Vous allez voir qu'il ne va pas apprécier. Les Français ne savent que râler. Eisenhower invite les Français à exécuter ses ordres. Oui. Bon. Dans l'administration, tout le monde devra continuer d'exercer ses fonctions. Toujours ce ménagement de Vichy. Une fois la France libérée, les Français choisiront eux-mêmes leur gouvernement. Ben tiens, aucune allusion à la France libre, naturellement. Mais pour qui se prend-il, cet Américain? Ah non, non, non. Ça ne va pas. Excusez-moi, mais ce texte ne me satisfait pas du tout. Je vous rappelle que vous êtes le général en chef des armées alliées et qu'à ce titre, vous êtes habilité à commander des troupes. Mais vous n'avez pas la moindre autorité pour intervenir dans le gouvernement de mon pays. Je ne sens que des mesures transitoires en attendant des élections. Nous sommes la seule légitimité nationale. Quant aux élections, nous n'aurons pas besoin de votre concours pour les organiser. Nous ne passerons pas d'une occupation allemande à une occupation alliée. Le gouvernement de la France existe. Il est à Alger et sera bientôt à Paris. Mon conseil, c'est de ne pas vous mêler de nos affaires intérieures. Ce n'est qu'un projet, général. Je suis prêt à modifier suivant vos observations. Faites-les-moi parvenir et j'en tiendrai compte. Mais ne tardez pas, le temps presse. C'est entendu. Vous aurez mes propositions demain à la première heure. Et alors que Churchill propose à De Gaulle de dîner avec lui dans son train et de regagner Londres en soirée, le général se redresse, décline l'invitation et déclare qu'il préfère rentrer tout de suite en voiture. Cette impolitesse, Churchill la reçoit comme un camouflet. Je croyais que vous étiez mon ami. Un homme peut avoir des amis, une nation n'en a pas. Je suis ici en tant que représentant de la France. Quand De Gaulle quitte les lieux, Churchill, qui se sent trahi, éclate et confie son amertume. Vous l'avez entendu, général Eisenhower. Quand je pense à tout ce que nous avons fait pour lui, pour un peu, je lui dirai de rentrer à Alger. N'en faites rien. Nous avons besoin de soutien de la résistance en France. Ces sabotages nous seront utiles. Ils retarderont l'arrivée des renforts allemands en Normandie. Il nous faut donc amadouer De Gaulle. Et si nous lui demandons son avis, nous n'avons aucunement l'intention d'en tenir compte. Ce que De Gaulle ignore, c'est qu'Eisenhower est en train de le berner. La proclamation qu'il lui a fait lire est déjà enregistrée sur un disque et prête à être diffusée par la BBC. Elle est imprimée depuis 8 jours. Les avions ont déjà chargé leur cargaison et n'attendent que le feu vert pour jeter ce papier sur la France. La proposition faite à De Gaulle de la réécrire est donc un mensonge destiné à gagner du temps. De son côté, arrivé le soir même à Londres dans ses bureaux de Carlton Gardens, De Gaulle fulmine. La France a été traitée comme un paillasson. Churchill m'a convoqué comme un châtelain sonne son maître d'hôtel. Quant à Eisenhower, c'est encore pire. Nous ne sommes même pas des domestiques à ses yeux, nous n'existons pas. Je vais lui écrire sa proclamation en français, moi. Et elle sera autrement plus respectueuse. La colère est mauvaise conseillère, mon général. Peut-être devriez-vous attendre un peu. Ah, Viennot, vous êtes bien un diplomate. Vous apprendrez qu'il faut parfois montrer les dents. même diplomatiquement. Tenez. Que dites-vous de cela ? Citoyens de France, au moment où s'engage la bataille pour la libération, je m'adresse à vous pour vous dire combien je suis fier de voir les vaillantes forces françaises placées sous mon commandement, aux côtés de leurs camarades américains et britanniques. Vous voulez qu'Eisenhower rende hommage aux Français à l'heure où le sang américain va couler ? Il ne voudra jamais. Et quoi ? Nous avons 130 000 hommes en Italie qui viennent de prendre Rome aujourd'hui même. Demain, nous débarquerons en Provence, et sans parler de la résistance. Bon. Je demande aux Français de suivre les ordres de l'autorité française. Non. Comment voulez-vous qu'Eisenhower dise cela, alors même que Washington ne vous reconnaît pas ? Je ne demande rien. Je n'ai rien à négocier. Vous porterez ce texte au commandant en chef demain matin. Un point, c'est tout. Le pauvre Viennot en est pour ses frais. Le 5 juin au matin, en effet, les services du général Eisenhower lui opposent qu'il est trop tard et que la proclamation ne peut pas être retouchée. Quand De Gaulle découvre qu'il a été joué, il ne se contient plus de colère. C'est à ce moment, si mal choisi, qu'on le sollicite pour prononcer une déclaration au matin du 6 juin, jour du débarquement, qui sera diffusée à la radio après celle d'Eisenhower, du roi de Norvège, de la reine des Pays-Bas, du grand-duc du Luxembourg et du premier ministre de Belgique. Et pourquoi pas après le souverain du Liechtenstein, tant qu'ils y sont ? Après tout, il ne s'agit que de la France. Pourquoi donner la parole au gouvernement français ? Et puis non. Même s'il me proposait de parler juste après Eisenhower, je refuserais. Je paraîtrais avaliser ce qu'il a dit. Or, je le désapprouve. Non, je ne parlerai pas. Le refus du général de parler à la radio crée une véritable crise diplomatique. Churchill est furieux. Il annonce la réunion du cabinet britannique à 18h30 pour statuer sur le cas du général. L'ambassadeur Pierre Viennot tente alors de convaincre l'homme qui a dit non de dire oui. Mon général, je vous en prie. Nous vivons des heures décisives. Justement, le Premier ministre est un gangster. Il m'a fait venir pour m'avoir et on ne m'aura pas. Mais vous avez parfaitement raison. Mais vous ne pouvez pas garder le silence. C'est une provocation qui sera mal vécue et qui risque de coûter cher. C'est vrai. Ils vont en tirer argument pour justifier leur félonie. Bien. Vous direz à Churchill que j'accepte de parler demain à la BBC. Mais à mon heure, et sans aucun contrôle de mon texte. Évidemment, quand l'ambassadeur parvient au 10 Downing Street, il est fort mal accueilli par un Premier ministre qui ne décolère pas. What ? Il veut dire ce qu'il veut quand il veut ? Oui, c'est à peu près cela. Mais pour qui se prend-il ? Votre général nous trahit en plein bataille. Il n'a que faire du sang américain et britannique qui va couler dans les quelques heures. Non, monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas le droit de parler de la sorte. Pas le droit ? Sachez que depuis que je connais De Gaulle, les malheurs de la France m'apparaissent justifiés et mérités. C'est assez, monsieur le Premier ministre. Je préfère prendre congé. L'ambassadeur Pierre Viennot tend alors la main à Churchill, qui se croise ostensiblement les bras et refuse de lui serrer la main. Anthony Eden ouvre de grands yeux, catastrophé. Alors, l'ambassadeur s'en va et, sur le seuil de la porte, s'adresse une dernière fois au Premier ministre. « Vous avez été injuste et violent. Et vous regretterez un jour vos paroles. À la veille de ce jour historique, moi, je vous adresse les remerciements de la France qui sait tout ce qu'elle vous doit. » Go to hell. Voyons, monsieur le Premier ministre. Nous aurons besoin des Français demain face à l'Allemagne. Et après-demain face à Staline. Vous ne pouvez pas vous mettre De Gaulle à dos. Je n'en peux plus de ce grand dadais arrogant. Dans la vie, chacun doit porter sa croix. Et la mienne, c'est le croix de Lorraine. Veuillez m'excuser, Sir Winston. Monsieur Viennot. Qu'y a-t-il ? Nos dirigeants se conduisent comme des jeunes filles. Je me charge de calmer le Premier ministre, mais vous, de votre côté, faites en sorte que De Gaulle se présente bien demain à la BBC pour enregistrer son discours. Et s'il pouvait éviter les provocations inutiles, ça ne serait pas plus mal, n'est-ce pas ? Entendu. Vous êtes un brave homme, monsieur Eden. Ce soir du 5 juin 1944, au moment où la plus grande flotte de tous les temps appareille pour la Normandie et qu'en France, les réseaux de résistance alertés sont prêts à passer à l'action, la crise entre De Gaulle et Churchill n'en finit pas de prendre de l'ampleur. Après s'être fait houspiller par le Premier ministre, c'est De Gaulle qui insulte l'ambassadeur, le traite de lavette, de carpette à la solde des rosbifs. Jamais de ma vie je ne me suis fait engueuler de la sorte, confiera le pauvre Viennot qui en devient cardiaque. Pour Eden également, cette nuit du 5 au 6 juin 1944 fut la nuit la plus atroce de sa vie. À 1h du matin, à l'heure où les premiers parachutistes sautent sur la Normandie derrière les lignes allemandes, Churchill prend une décision incroyable. Ah, De Gaulle veut être libre d'agir ? Je vais le faire arrêter. Et puis quoi ? Vous allez le reléguer sur l'île de Man ? Ah non. Pour De Gaulle, prisonnier très distingué, ça sera la tour de Londres. Oh, et puis, ma décision est prise. Je vais le renvoyer à Alger, menotter et enchaîner dans l'avion si nécessaire. Vous n'êtes pas sérieux ? Ah que si. Et je vais vous dicter une lettre. Général, puisque vous vous opposez aux alliés qui ont tant fait pour vous, je vous ordonne de quitter sur le champ le sol de la Grande-Bretagne. À l'aube du 6 juin 1944, la crise prend fin. De Gaulle se calme et prend l'engagement de ne rien dire dans sa déclaration qui puisse heurter les Américains et les Britanniques. Mais pas question pour autant de leur présenter sa copie. Quant à Eden, il brûle la lettre que Churchill lui a dictée. La nuit la plus longue prend fin, étrange veillée d'armes faite de petitesse et de grandeur. Il est 5h58, le jour le plus long se lève. Un jour gris, froid, pluvieux. À 6h, les navires de guerre qui s'approchent des côtes françaises ouvrent le feu sur les blockhaus allemands. Les avions de la Royal Air Force et les bombardiers américains font pleuvoir un déluge de bombes sur les fortifications ennemies. Le sort en est jeté. Le débarquement commence à Omaha Beach à 6h30. Puis, jusqu'à 9h, 156 000 hommes prennent pied sur les plages de Sword, Utah, Juneau et Gold, galvanisés par les ordres de leur chef, le général Eisenhower. Soldats, marins et aviateurs du corps expéditionnaire allié, le monde a les yeux fixés sur vous. Les espoirs et les prières de tous les peuples épris de liberté vous accompagnent. Vous allez détruire la machine de guerre allemande, anéantir le joug de la tyrannie que les nazis exercent sur l'Europe. Le vent a tourné. Les hommes libres du monde marchent vers la victoire. Nous n'accepterons qu'une victoire totale. Les premières minutes sont les plus meurtrières. Mais malgré la mitraille, les hommes s'accrochent. Ils progressent, mètre par mètre, et bientôt l'emportent. Partout, les nazis doivent céder du terrain. Heureux et fébriles, les Français collent leurs oreilles au poste de radio. La libération commence. Ce 6 juin 1944, en fin d'après-midi, ils entendent la voix du général de Gaulle. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe à l'ouest, fut arrêtée naguère la marée de l'oppression allemande. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quel qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi qui écrase et souille la patrie, l'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus, dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Évidemment, pas un mot sur les Alliés. C'est à croire que nous n'existons pas. Vous entendez, Eden? De Gaulle n'a pas un soldat derrière lui. Et il se pose en libérateur. Il n'est pas idiot. Il sait bien tout ce qu'il nous doit. Mais son devoir est avant tout de ressusciter la France. Vous ne pouvez pas le blâmer. Il est normal qu'il nous tienne tête. Et puis, c'est un grand homme. Un grand homme? Un grand homme? De Gaulle, un grand homme? Il est arrogant. Il est égoïste. Il se considère comme le centre de l'univers. Il est... Vous avez raison. C'est un grand homme. Juin 1944, quand De Gaulle a dit non aux Alliés, de Jean-Yves Le Naour, avec Charles de Gaulle, Gabriel Dufay, Winston Churchill, Krishna Lester, Anthony Eden, Kester Lovelace, Pierre Viennot, Guillaume Durieux, Dwight Eisenhower, Geoffrey Keret, Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Antoine Viossa et Claire Levasseur, assistant à la réalisation Pablo Valero, réalisation Cédric Ossir. Dans quelques instants, on reprend la discussion sur De Gaulle et le débarquement du 6 juin 1944 avec mon invité François Kersaudy. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. And good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't all just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay? You and your guests have a pleasant stay. What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well. He seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island. Don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly. You like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh, Father John Misty, Mr. Tillman sur France Inter, autant n'importe l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Mathias Alléon. Merci à France Bleu Bourgogne. François Kersedi, c'est une histoire donc poignante et passionnelle, hautement passionnelle, que je viens de raconter. Une grande page d'histoire, mais c'est aussi une histoire d'homme. Tout à fait, et qui est très bien jouée d'ailleurs. Alors, le débarquement a lieu le 6 juin 1944. Paris sera libéré le 24 août, mais il va falloir des mois, un an presque, pour délivrer la France de l'occupation allemande. Ce n'est pas une mince affaire. Bien sûr, oui, oui. C'est un problème extrêmement complexe parce qu'effectivement, il faut délivrer la France, il faut commencer à la reconstruire, il faut l'organiser. Et pour De Gaulle, il faut aussi la mobiliser pour arriver à Berlin en même temps que les autres alliés, parce que De Gaulle est quelqu'un qui pense toujours au coup d'après. C'est un fabuleux joueur d'échecs, le général De Gaulle, et il comprend que si les Français sortent de cette guerre avec une mentalité de vaincu, l'avenir sera compromis. Et donc, en pensant à l'avenir, il veut que la France puisse figurer parmi les vainqueurs. Pour ça, il faut une mobilisation exceptionnelle de la population et d'une armée reconstituée pour arriver à Berlin et pour donner aux Français une mentalité de vainqueurs. C'est pas facile, ouais. Et c'est d'autant moins facile qu'il y a l'hypothèque du Parti communiste, ouais, qui est très infiltré à la fois dans la résistance et dans les administrations, et qui compte beaucoup se faire passer pour les uniques vainqueurs au sein de la résistance. François Kersedi, quelles sont, oui, les intentions des Américains en débarquant en France? Ils souhaitent administrer ce pays comme un pays vaincu? Ils ont déjà tout organisé? Non, ça c'était l'ambition de Roosevelt. Roosevelt pensait dans un premier temps que finalement la meilleure personne avec qui s'entendre ce serait le maréchal Pétain, et ensuite que d'autres personnes pas très bien désignées, d'ailleurs il ne savait pas trop qui, allaient prendre le pouvoir et éclipser le général de Gaulle. Une fois le débarquement accompli, il s'aperçoit que d'une part ça ne va pas être le cas, mais d'autre part il faut jamais oublier, ça n'est pas Roosevelt qui est aux commandes, c'est le général Eisenhower. Le général Eisenhower lui-même dépend d'une structure qui est le haut commandement allié, à qui Eisenhower doit rendre des comptes. Oui, mais le gouvernement américain avait organisé, malgré tout, on l'entend dans la fiction, les billets de banque avaient déjà été imprimés, on avait en vue quand même d'instaurer ce qu'on appelle l'AMGOT en France, comme ça sera le cas en Italie. C'était le plan initial, mais bon, c'était une lubie de Roosevelt à laquelle Eisenhower ne croyait pas une minute. Eisenhower s'en tenait à son accord avec le général de Gaulle, en dépit des instructions de Roosevelt. Mais il faut quand même faire attention à une chose, ce qui a été mentionné dans la fiction. Les instructions d'Eisenhower du 15 mars 1944, de la part de Roosevelt, c'était pas du tout qu'il doit s'entendre avec les autorités de Vichy, c'était le contraire. C'était « vous ne prendrez aucun contact avec le régime de Vichy, sauf pour l'abolir in toto, entièrement ». Donc c'est le contraire de ce qui a été, oui, dit. Hein. Il n'y a pas de reconnaissance de Vichy, d'ailleurs. Oui. Pour une raison très simple, d'ailleurs, c'est que Roosevelt, c'est un homme à élection. Il va avoir des élections à l'automne 1944. Et donc, la dernière chose qu'il veut, c'est d'être identifié avec un régime qui a perdu. C'est le régime, oui, de Vichy. Donc, François Kersedi, oui, dites-moi. Que fait De Gaulle après le débarquement? Il va se rendre en France assez vite. Alors, voilà, De Gaulle se rend en France dès que les Anglais le laissent partir. Et il supervise l'installation de François Coulet, de son premier représentant, en Normandie, pour, pense-t-il, gagner les Américains de vitesse. C'est quand même assez émouvant ce moment. Il arrive, De Gaulle, à Bayeux, il se promène dans la rue, et, enfin, son arrivée n'est pas prévue, n'a pas été annoncée, et les gens le reconnaissent, alors qu'ils ne le connaissent pas. Ça va être un moment extrêmement émouvant. Oui, l'inconnu, c'était la réception que lui réserveraient les Français après avoir été bombardés au moment du débarquement. Donc, il ne sait pas. Tous les rapports, à la fois des Anglais et des Américains, leurs autorités, c'est il n'y a que De Gaulle, la population ne veut connaître personne d'autre. Oui, c'était un pari risqué, mais il le gagne. Donc, il découvre sa propre popularité. C'est exactement ça, il découvre sa popularité. François Kerr se dit, je vous propose d'écouter le discours que prononcera Winston Churchill quelques mois plus tard, en novembre 1944, à Paris, à l'Hôtel de Ville. C'est un moment quand toute la force de la nation soit dirigée pour fonder la grandeur et l'autorité de la grande nation française. Et heureusement, vous avez à ce moment, à votre tête, un chef incontestable, le général de Gaulle. J'ai eu mes discussions assez vives de temps en temps avec lui. Mais je suis absolument sûr que vous devriez rallier autour de votre chef et faire le plus possible d'avoir la France unie et indivisible, et c'est le moment. Un extrait donc du discours de Churchill en novembre 44. On voit que il reconnaît De Gaulle comme le chef de la France. En novembre 44, c'est normal, mais il reconnaît aussi qu'il a eu quelques engueulades avec lui. Oui, bien sûr. Les engueulades, effectivement, ça a été très dur en 42 et en 43. Il y a ce passage admirable. Churchill adorait parler français, mais quand il était en colère, ça donnait ceci. « Mon général, si vous m'obstaclerez, je vous liquiderai. » Voilà, et réponse de De Gaulle. « Monsieur le Premier ministre, vous êtes libre de vous déshonorer. » Voilà, donc ça pouvait être extrêmement violent. Il y en a des quantités. Mais De Gaulle a dit ceci à un moment où c'était les choses commençaient à s'améliorer un peu. Churchill me considère comme un meuble bien encombrant auquel il se heurte de temps en temps, mais qui fait maintenant partie du décor et qu'on ne peut plus déplacer. Et quant à Eisenhower, le malheureux, il était pris en sandwich, lui, entre Roosevelt, De Gaulle, Churchill et sa mission principale, qui était d'arriver à Berlin et de renverser Hitler. Merci beaucoup François Kersaudy de nous avoir rappelé cette histoire. Je rappelle que vous êtes l'auteur de De Gaulle et Churchill, la mésentente cordiale, chez Perrin dans la collection Timpus, et d'autres livres bien sûr consacrés à Churchill, notamment cette biographie Winston Churchill, le pouvoir de l'imagination, chez Talendier, et plus récent Le monde selon De Gaulle, toujours chez Talendier. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, ce sera la dernière émission de la saison. Nous terminerons l'année en compagnie d'une femme, casque d'or, qui, dans ce qu'on appelle la Belle Époque, faisait le trottoir dans l'Est parisien, dans les quartiers de Belleville et Ménilmontant. Elle connut son heure de gloire en 1902, quand Manda et Leka, les chefs de bande des Apaches, s'entretuaient pour elle et semaient la terreur dans Paris. 1902, Casque d'or, la reine des Apaches, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, ne manquez pas la Miss Oro Solo dans l'Afrique en solo. Très bonne soirée sur France Inter.